Vous croyez que j'étais gentil, mais en fait j'étais le méchant. Je complote depuis un petit bout de temps. Mon esprit est trop créatif, je n'aurai pas assez d'une vie pour mener à bien mes projets explosifs. Je suis méchant. Je suis méchant. Une rumeur courait au netto, disant que Johnny était fou. Il voyait des arrobaseux partout. L'invasion devait arriver, et tout en flattant son ego, j'ai pu constituer ma grande armée. Parce que je suis méchant. Je suis méchant. Je suis méchant. Je suis méchant. Je suis méchant. Je suis méchant. Je suis méchant. Même au potard, il est trop tard.